Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventuriers de la Transition, le podcast qui vous présente des solutions simples pour vous aventurer dans la transition écologique. Moi, c'est Elena, et derrière le micro, il y a Clément. Nous nous engageons au quotidien pour imaginer un monde meilleur. À travers ce podcast, et autour d'une tasse de thé, nous avons envie de partager notre expérience et de vous donner des clés pour passer à l'action. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier volet d'une série de 3 épisodes consacrés au zéro déchet. Et quoi de mieux pour rentrer dans le vif du sujet que de vous présenter ce fléau du 21e siècle que sont les déchets? Pourquoi est-ce un fléau? Eh bien déjà parce que 99% des ressources extraites dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. Notre quotidien est rempli de produits à usage unique, jetables comme on dit. Les mouchoirs, les sacs, les bouteilles, la vaisselle, les cotons-tiges, les couches, les protections périodiques, les stylos, les piles. Et le plus vicieux de tous, les emballages. Vous avez remarqué leur point commun? Eh oui, le plastique. Depuis les années 50, celui-ci a connu une croissance exponentielle. Sa production a augmenté de plus de 30% ces 20 dernières années, et on prévoit encore une hausse de 40% d'ici 2030. Le problème, c'est que plus on en produit, plus on en jette. Or, plus d'un tiers de ces déchets plastiques sont jetés dans la nature ou dans des décharges non contrôlées. Et cela entraîne une pollution désastreuse et des impacts très néfastes sur les écosystèmes. Car le plastique, on le retrouve partout dans la nature. Dans la terre, dans les océans, dans l'eau douce, et jusque dans les estomacs des animaux. Il y en a tellement qu'on connaît tous le tristement fameux continent de plastique, qui s'étend dans le Pacifique Nord sur environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit 3 fois la taille de la France. Face à ce constat, vous devez sûrement vous demander « Oh mais comment puis-je faire pour réduire mes 390 kg de déchets annuels ?» Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Au cours de cette série de 3 épisodes, nous allons vous montrer comment cheminer petit à petit sur la route du zéro déchet, ou presque. Et pour vous expliquer cette philosophie zéro déchet, je suis allée à la rencontre de Johanna, fondatrice et gérante d'Eau Bocal, la première épicerie vrac nantaise. La fondatrice et la gérante d'Eau Bocal. Donc Eau Bocal, c'est la première épicerie indépendante du centre-ville de Nantes, qui va être dédiée à l'achat en vrac. Et c'est aussi la première boutique, plus globalement, qui est dédiée au mode de vie zéro déchet. Et après, Eau Bocal, c'est un projet sur lequel moi, je travaille depuis 2014. Donc pour reprendre un petit peu depuis le début, le projet, il est né tout simplement de convictions personnelles, en fait avec des copines d'association, notamment Disco Soup. On se disait que bah, pour mieux consommer, en tout cas en vrac, dans le centre-ville de Nantes, c'était hyper galère. Et puis dès qu'on fait un peu attention à ce qu'on consomme, bah, on a envie de manger bio, manger local, acheter des produits de producteurs, etc. Ça complexifie encore les courses à faire. Donc pour éviter de courir à droite, à gauche, ouais, c'était un peu la galère. Et du coup, on s'est dit, mais c'est fou que ça n'existe pas. Et puis les poubelles débordent, donc il était temps de faire quelque chose et d'agir. Donc on s'est lancé sur le projet d'ouvrir une épicerie vrac à Nantes. Donc on a ouvert en 2016. Après, j'étais seule gérante. Et maintenant, au bout de 3 ans, on a créé 8 emplois. Pour expliquer aussi, à la boutique, on trouve plus de 500 produits. Donc nous, on est certifié bio. Donc tout l'alimentaire donc est issu de l'agriculture biologique. On peut l'acheter en vrac. Et après, on propose également une gamme de produits d'hygiène et d'entretien. Donc ça va être hygiène corporelle, cosmétique, accessoires pour la maison, accessoires réutilisables. Et puis bah, éco-détergents. Et aussi, on propose des produits frais, légumes, quelques fruits en locaux, de la crèmerie et des bouteilles consignées. Voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment de remplacer le supermarché et d'acheter le plus possible de produits au sein du même endroit. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le zéro déchet? J'ai demandé à Johanna ce que ça signifiait pour elle. Bah pour moi, c'est un mode de vie global. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le zéro déchet en disant « Oh là là, mais zéro, j'y arriverai jamais. » Moi, je pars du principe où tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien, c'est des bonnes actions, enfin, des bons gestes à prendre et qui, pour moi, sont logiques. Donc, c'est vrai qu'après, chacun avance à son niveau. Mais le zéro déchet, en fait, les principes de base, il y en a 5, c'est les 5 R. Donc, le premier, ça va être refuser. Donc on va refuser tout ce qui va être inutile, tout ce qui va être sac plastique donné. Oui, mais c'est gratuit, alors l'excuse du gratuit, elle est nulle. Il n'y en a pas besoin qu'on prévoie son sac et tout. On se débrouille tout à fait. Tout ce qui va être échantillon dans la rue, tout ce qui est superficiel, en fait, ça, on refuse. Donc réduire, bah, ça va être se contenter de l'essentiel aussi. Un mode de vie plus allégé, plus minimaliste, ça convient très bien. Et ça va en fait avec le principe d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Même pour tout ce qui est équipement de la maison, tout ce qui va être vêtements, on privilégie en fait des produits durables aux produits jetables qui sont certes moins chers, mais qui ont une durée de vie tellement courte que voilà, ça a finalement pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est voir en fait, avoir une autre vision. Et en fait, la dynamique de circulaire, elle est hyper importante, puisque dans les produits jetables et puis dans beaucoup d'autres produits, on est sur une ligne où en fait, où le produit il est conçu, il est utilisé, il est jeté. Donc ça fait juste un trait et puis voilà. Alors que dans les produits où il y a un principe d'éco-conception, on est vraiment sur une, quelque chose de circulaire et pas linéaire. Donc vraiment, on peut prévoir d'autres réutilisations possibles ou alors un recyclage du produit. Après, c'est réutiliser. On va prendre un bocal par exemple, on peut l'utiliser pour faire ses achats en vrac, on peut l'utiliser le midi pour mettre son repas pour apporter au travail, on peut l'utiliser pour ranger des crayons, pour faire des pots, pour mettre des plantes. Voilà, en fait, un objet peut avoir plusieurs utilisations et plusieurs vies. Il y a l'upcycling aussi qui est chouette. C'est un, comment dire, un mode de détournement des objets pour leur donner des nouvelles vies. Par exemple, on peut avoir des cahiers où le dessus du cahier, c'était du tissu du métro de Berlin ou je sais plus quoi. Ou alors des pochettes de vinyle. Et bah, c'est réutilisé pour faire des pochettes de cahiers. On arrive à recycler. Donc recycler, tout ce qui peut être recyclable, forcément, ça va être faire le tri. Alors ici, ça va être la poubelle bleue pour le tout venant, la poubelle jaune pour le papier, le carton, les boîtes de conserve, etc. Et le verre. Donc ça paraît basique de faire le tri, mais il y a plein de personnes qui le font pas encore aujourd'hui. Et c'est un petit effort qui est pas compliqué, mais même à la maison ou au bureau, avoir plusieurs bacs pour trier ses déchets, voilà, c'est un petit geste facile à mettre en place. Ça arrive qu'en quatrième place, en fait. Donc à chaque fois, on dit oui, réduire les déchets, il faut recycler, recycler. Mais en fait, recycler, c'est une des solutions, mais c'est pas la première. Et en amont, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et le dernier, c'est composter. Donc en fait, en anglais, ça se dit rot. R-O-T, donc c'est pour ça qu'on dirait R. Mais après, ça peut être recycler les biodéchets aussi, si on veut. Composter, ça va être toutes les matières organiques. Et ça, c'est une étape hyper importante. Et encore une fois, moi, cette étape-là, je la mettrais presque en premier. Puisque quand on arrive à mettre de côté ces biodéchets et les composter ensuite, en fait, un déchet devient une ressource. Donc on redonne de la vie à ces matières organiques qui peuvent ensuite servir pour de l'agriculture ou tout simplement faire de l'engrais pour ses plantes à la maison. Et aussi, c'est hyper important qu'on se lance dans la démarche parce que quand on sépare ces biodéchets, donc tout ce qui va pourrir et puer, en gros, on arrive vite à une poubelle où on retrouve plein de déchets qui n'ont pas d'odeur et qui peuvent s'entasser. Après, dans l'analyse personnelle de ces poubelles, c'est, je trouve, une étape qui est clé, en fait, qui fait vite le déclic. Donc, en gros, le zéro déchet, c'est quand on arrive à refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter. C'est tout ce qui reste, en fait, et globalement, c'est le plastique. Donc pour moi, ma ligne de mire, le combat, c'est anti-plastique à fond. Et trouver toutes les alternatives possibles. Ok, c'est parti. On est décidé à réduire notre poubelle. Dans un premier temps, on va se concentrer sur les deux premiers R, refuser et réduire. Mais il est souvent difficile de savoir par où commencer. Johanna nous partage son tuyau qui l'a aidé à se lancer. C'était de lire le livre de Bea Johnson, donc qui s'appelle Zero Waste Home, donc comment être zéro déchet en fait à la maison. Et aussi, pour ceux qui ne veulent pas acheter de livres, il y a les blogs, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des blogs de personnes qui racontaient tout simplement leur mode de vie. Entre-temps, il y a le livre de la famille Zéro Déchet qui est sorti aussi, qui est hyper inspirant, ou même d'autres bouquins, parce que maintenant, il y en a de plus en plus, qui sortent. Présente en fait à chaque fois les principes qu'on a évoqués là, les 5 R. Et du coup, toutes les possibilités concrètes qu'on peut faire au quotidien. Donc ça, de lire des bouquins comme ça, ça donne beaucoup de déclics. Et on se dit, oh là là, mais ça, on ne pourra pas du tout le faire parce que ça, le boulot, les enfants, etc. Mais il y a plein de petits trucs qu'on se dit, ah ben grave, ben, je peux essayer de commencer par ça. Donc ça passe par soit la cuisine, soit la fabrication de produits soi-même, produits ménagers, produits d'entretien. Pour ceux qui n'ont pas le temps, ça va être pour faire les courses. éviter le jetable, ça aide tout aussi les raisons économiques qui sont avantageuses pour le zéro déchet. Une autre astuce très efficace pour débuter, c'est de procéder à l'analyse de sa poubelle. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais ça permet de bien se rendre compte de ce que l'on jette, et donc de repérer des pistes d'amélioration. Spoiler alerte, ce sont majoritairement des emballages inutiles. Donc si on a envie de se lancer, on se dit bah tiens on prend sa poubelle, on regarde donc comme je disais tout à l'heure, le compost déjà si on fait son petit seau à compost à côté, bah on va regarder tout ce qui reste dans la poubelle. Et clairement on se dit ah bah là c'est un emballage en plastique autour du concombre, mais c'est complètement débile pour être poli. Donc on va regarder pour acheter son concombre sans plastique autour. Après il y a la question du bio et du conventionnel dans les fruits et légumes où tout le temps les légumes bio sont emballés. Donc aller sur le marché trouver un producteur bio qui vend, on peut acheter sans emballage plastique. Et après c'est de se dire bah tout le plastique là celui-là je peux l'éviter. Et puis on regarde vraiment, après il y a des fois où il n'y a pas le choix, hein, pour les lentilles de vue, pour les médicaments, il y a des trucs, voilà, selon les vies de chacun, on ne peut pas éviter. Mais, et je voulais dire aussi la poubelle de la salle de bain. Alors c'est pas hyper glamour à analyser, mais franchement, en général, quand on est une fille, on est vite à 3-4 cotons démaquillés par jour, après ça dépend de comment on se maquille aussi. Et ça, si on passe à l'alternative durable, qui est un coton à démaquiller qui se lave en machine à laver avec les vêtements, et bah déjà, la poubelle a diminué, mais quasiment de moitié avec ça. Après, bah, y a le coton-tige, il y a les flacons qu'on peut éviter, passer au pain de savon. C'est pareil, ça fait penser aux habitudes de grand-mère, mais c'est hyper simple, en fait, pour éviter tous ces flacons, tous ces shampoings parfumés, de trucs d'après-shampoing. On s'habitue vite à la simplicité, mine de rien. Maintenant qu'on est lancé et qu'on connaît parfaitement le contenu de sa poubelle, on peut ajouter un peu de piquant au jeu. C'est pas mal de se mettre des défis. Alors chacun son rythme, mais ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Ça peut être, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser pour éviter les serviettes hygiéniques? Donc là, c'est un petit équipement, mais les serviettes hygiéniques lavables, une fois qu'on en a quelques-unes, 5, 6, 7, ça dépend des femmes, on n'a plus besoin d'acheter tampons, serviettes, etc. Ou alors on se dit, bon, bah, ce mois-ci, je passe à la cup. Pour les hommes, ça peut être, je m'équipe, j'achète un rasoir en inox, donc avec les lames, à l'ancienne, mais encore une fois, après, il y a juste les lames et le rasoir en inox, on le garde toute sa vie. Ça peut être des trucs vraiment tout bêtes, se dire, bah en fait, maintenant, on prend les bonnes habitudes, les fruits et légumes, on les achète au marché. Le vrac sec, on l'achète en magasin vrac, par exemple. Et du coup, là, il faut prendre l'habitude et il faut oser, mais arriver avec ces petits sacs en disant, non, j'ai pas besoin de sac plastique, j'ai mes sacs. Pareil à la boulangerie pour les croissants, les baguettes de pain, les pains au chocolat. On commande en disant j'ai mon petit sac avant. Quoique maintenant les habitudes elles ont quand même pas mal changé. On est de plus en plus à ramener des sacs donc on paraît moins bizarroïde. Entrons maintenant dans le détail. Mission numéro 1, faire les courses. Pour ça, finis le supermarché avec ses emballages à tout va, ses lots de 15 paquets pour le prix de 2 entourés de films plastiques, ces légumes fades suffoquant dans des poches plastiques soi-disant compostables, et surtout, finit la queue interminable à la caisse. Mais attention, acheter en vrac demande quand même une certaine organisation en amont. Ce qui est important, c'est de faire le point à la maison sur ce qu'il faut acheter. Donc l'idée, en faisant une petite liste de courses, déjà vous regardez vraiment les besoins qu'il y a à la maison pour pas acheter inutilement. Et puis après, ça permet de bien avoir le contenant qui va avec. Et du coup, par rapport aux produits qu'on choisit, par exemple, on a besoin de pâtes, de riz, là on se dit, on peut réutiliser des sachets Kraft en papier. Si les personnes ont déjà des petits sachets en tissu réutilisables, elles peuvent les ramener. Les bocaux, c'est super parce qu'on les remplit direct, on les met dans le sac et à la maison, on les remet direct dans le placard quand on arrive. Par contre, c'est un peu lourd. Donc même moi, je fais pas mes courses qu'avec des bocaux parce que pareil, pour rentrer après à la maison, c'est quand même super lourd. Donc privilégier les petits sacs. Il y a même des clients qui viennent avec les sachets congèle. Comme ça, ils mettent leurs pâtes, leur riz, leur truc, ça ferme bien, ils transversent facilement à la maison. Après, ça va être prévoir ces bouteilles, par exemple pour l'huile d'olive, pour le vinaigre de cidre, le vinaigre balsamique. À chaque fois, faut que ça soit propre et adapté au produit qui va être choisi. Pour les produits d'hygiène et d'entretien, c'est la même chose, faut que ça ait contenu le même type de produit. Donc vous pouvez ramener un flacon de gel douche pour remettre du gel douche. Faut juste qu'il soit vide et bien lavé entre les deux pour pas qu'il y ait de réaction chimique quand vous allez remplir un autre gel douche, pareil pour la lessive, pareil pour le vinaigre. Et c'est surtout pas se prendre la tête et pas hésiter à demander conseil. Les petits conseils aussi que je peux donner, c'est pas forcément acheter des quantités énormes au début. Ça permet de goûter le produit. Par exemple, pour noter, il y en a plein qui essayent un petit peu voir si notre thé vert à la menthe, il est pas trop amer, pas trop parfumé, etc. Ils prennent toujours un petit peu pour goûter, puis après, quand ça plaît, bah, ils viennent faire le plein. Ou quand ça plaît pas, et bah, tant pis. Voilà, il y en a qui disent oh, les pâtes semi-complètes, on ne pensait pas, mais en fait, c'est super bon. Bah oui, c'est pas. Il y a le rapport des fois, acheter bio, oh là là, ça va être hyper diététique, ça va être dégueulasse. Mais en fait, non quoi. On peut trouver des bons produits de qualité à pas trop cher. Une fois qu'on maîtrise le rayon alimentaire, on peut passer au niveau 2, les produits d'entretien. Donc, on dit adieu aux 15 000 produits nettoyants qui débordent du placard, entre les blocs WC, les lingettes, les sprays et autres gels en tout genre, qui non seulement sont emballés dans du plastique, mais qui en plus contiennent des produits toxiques, aussi bien pour celui qui les utilise que pour les écosystèmes naturels qui vont les récupérer grâce à nos eaux usées. Donc, on revient aux choses simples. La base, c'est vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir et savon de Marseille. Et avec ça, vous pouvez réaliser la plupart des recettes nécessaires à l'entretien de votre maison. Et vous pouvez facilement diviser par deux votre budget ménage. Après, on peut pas... y a des recettes qui peuvent paraître compliquées pour les produits d'hygiène et d'entretien. Il y a des recettes, par contre, à l'inverse, hyper simples. Par exemple, le produit ménager, un produit multi-usage, c'est du vinaigre blanc. On peut le couper à l'eau et soit rajouter des huiles essentielles, pour ceux qui en ont. Soit, si on a envie, on peut rajouter des pulpes d'agrumes, donc vraiment sans la pulpe, pas au milieu, mais orange, pamplemousse, citron. Vraiment la peau bien sèche et puis on va mettre dedans à macérer. Ou alors, moi, l'autre jour, j'avais du romarin qui me restait, que je n'avais pas mangé, qui commençait à tirer un petit peu la tronche. Du coup, je l'ai mis dedans et ça fait un peu un vinaigre aromatisé au romarin. Donc ça, franchement, ça prend 30 secondes, quoi. On met son vinaigre, on met un peu d'eau, on met 2-3 gouttes d'huile essentielle. Et basta, dans un petit spray. Et puis après, on fait son ménage exactement de la même manière. Et puis économiquement et écologiquement, ça n'a rien à voir. Évidemment, on y va par étapes, on essaye une recette à la fois, et on peut trouver une alternative écologique et sans emballage pour les produits qu'on veut acheter tout fait. Vous pouvez également retrouver une recette simple de lessive maison dans notre épisode 1 sur la slow fashion. Après les produits d'entretien, on arrive au niveau 3, les produits d'hygiène. Là, c'est assez facile car tous nos produits habituels existent en version solide, que ce soit les savons, shampoings, dentifrices, déodorants, démaquillants. C'est juste une question d'habitude car leur utilisation est un peu différente de leurs homologues liquides. Et après, bah, pour les produits de beauté, alors ça se fait petit à petit parce que franchement, la salle de bain, on se rend pas compte, mais les stocks qu'on a de promotion de 2 dentifrices achetés, le troisième offert, ou pareil pour les brosses à dents, ou les cotons à démaquiller, coton-tige, en veux-tu, en voilà, parce qu'on a toujours peur d'en louper et tout. Donc prendre le temps de vider un petit peu les placards. Et après, ça va dépendre des types de peau, des types de cheveux, si on a les gencives sensibles ou pas. Mais partir sur des produits basiques. Par exemple, on peut avoir une huile pour le corps qui va remplacer un lait corporel. On peut l'utiliser en huile démaquillante, on peut l'utiliser en soin pour les cheveux. Enfin, un produit peut avoir plein d'usages. L'huile de coco, c'est un peu la même chose. On peut faire en une recette, quasiment 3 en un. On peut faire déodorant, dentifrice et même un peu gommage du visage. Donc c'est huile de coco, un peu de bicarbonate ou d'argile blanche et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc voilà. Ça c'est pareil, ça coûte pas cher, c'est hyper pratique à faire. Après, en termes d'habitude, bah, on n'est pas sur des produits qui sentent hyper bon, qui moussent à fond. On est sur des produits plus naturels et moins trafiqués. Donc il y a moins de mousse, il y a moins tout ça, mais on simplifie sa vie quand même assez rapidement. Et puis bah, ceux qui veulent pas faire, ils peuvent regarder pour acheter tout fait. Hein. Alors, toujours pas convaincu ? Tout ça vous paraît peut-être complexe et difficile à intégrer dans votre quotidien. Ou alors, ça vous donne envie, mais vous vous dites que vous n'aurez jamais le temps. Écoutez donc les derniers conseils de Johanna. Faut quand même, alors après chacun a ses critères d'importance ou pas, mais prendre le temps, ça va un peu dans le minimalisme et le moins mais mieux. Mais on va éviter de, je sais pas moi, passer 30 minutes devant la télé à regarder juste plein de pubs. En tout cas, réduire son temps, ou soit de jeux vidéo, ou soit devant les écrans, tout simplement. Pour revenir à plus de pratique et en fait plus de manuels, de concrets. Et puis bah, prendre son temps de faire les produits. Et puis après, quand on compare pour se donner un argument de plus, le budget, c'est un truc de fou. Bah, la cup, par exemple, pour revenir à ça, j'en parlais tout à l'heure aussi, la coupe menstruelle, qui remplace les serviettes et les tampons. Alors nous, celle qu'on vend, elle est à 26,30€. Donc la cup, c'est valable 10 ans, c'est fait en France, C'est un silicone qui n'a pas de phtalate, qui n'a pas d'agent blanchissant. Il faut juste la faire stériliser avant et après les règles. Et on est en plus hyper confort, on est tranquille toute la journée pendant 12 heures. Donc on peut simplement changer une fois, enfin vider, et faire son petit truc une fois le matin et une fois le soir. Mais sur la quantité de déchets qui sont non recyclables en plus, et souvent qui sont dégueulasses à traîner partout dans les poubelles et tout, pour une femme, sur une vie, c'est un budget astronomique qui est économisé. Voilà, maintenant vous avez toutes les billes pour vous en sortir. L'important, c'est de rester bienveillant avec soi-même et de garder en tête que chacun avance à son rythme et que personne n'est parfait. Ça fait 5 ans que moi je suis dans le zéro déchet, alors pour le coup j'ai quasiment plus de poubelle chez moi. Quoi que j'ai encore un bocal pour ma poubelle en plastique. Et puis j'ai un sac jaune de temps en temps, mais franchement... Voilà, après j'ai l'avantage de pouvoir faire mes courses à la boutique aussi tous les jours, donc j'admets que c'est un avantage quand même génial. Et voilà, on arrive toujours à progresser en fait. Il n'y a pas de science exacte et on peut pas être parfait dès le début et encore aujourd'hui, mais chaque geste est bon à prendre. On arrive à la fin de cet épisode. Vous voilà donc équipé pour vous lancer dans l'aventure zéro déchet. Voyez cela plus comme une philosophie, un questionnement de ses habitudes et un cheminement continu vers l'amélioration, plutôt que comme une injonction à ne plus produire aucun déchet, au risque de subir la foudre du tout-puissant dieu du zéro déchet. Car oui, ça demande du temps, de l'indulgence, et surtout un peu de réorganisation de ses habitudes. Fini la surabondance de stock dans les placards, fini les produits transformés, fini le gaspillage, et bonjour la simplicité et la sobriété. On redécouvre les produits bruts, et on apprécie de cuisiner en famille, ce qui est aussi bon pour les papilles que pour la santé, l'environnement et le porte-monnaie. C'est aussi un bon moyen de favoriser l'économie locale et de ne plus être stressé par la corvée des courses. Mais c'est une démarche qui doit être volontaire et non subie pour avoir un impact positif. Offrons-nous donc le temps de nous interroger sur nos modes de vie, nos choix, et sur ce que nous avons vraiment envie de vivre au quotidien. Where did you go? Are you hiding up in the sky? Are you behind the clouds? When you come back home, I'm sick of waiting now. Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore? Dans notre prochain épisode, le deuxième de cette série sur le zéro déchet construite selon les 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter, nous allons nous concentrer sur le troisième R, réutiliser. On va donc aller à la rencontre d'acteurs du réemploi, de la réutilisation, de la réparation et du partage. Rendez-vous le 24 novembre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Aventuriers de la Transition. On espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous écrire vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre appli de podcast préférée et suivre notre actualité sur Facebook et Twitter @GaiaProd. Toutes les infos et les sources de cet épisode sont disponibles sur notre page PodCloud à l'adresse ladt.lepodcast.fr. À bientôt! Fish keeps staring at me, a smile he swims away from me. Do you think it's forever gone?